Gentes dames et damoiselles, gentils hommes et damoiseaux, vous qui allez me ouïr maintenant, sachez que ce qui suit est du vieux François. Afin de mieux en comprendre le texte, je vais vous en conter l'histoire. C'est une jeune dame dont l'amant est parti en croisade. Elle en est fort triste et fort inquiète, et le dit. Vers la fin de la balade, elle explique comment, pour calmer son manque d'amour, elle dort nue contre la veste que son amant lui a envoyée. Une balade, j'ai du mal à la lire. Je l'ai donc plutôt chantée. Chanterai pour mon courage de Guyot de Dijon. Pour audiocity.net.